peut pas finir. Et j'aurais beau partir, je resterai toujours pour toi, à portée de voix, tu le sais bien. Ça fait tellement longtemps que l'on navigue ensemble, tellement de temps qu'on s'est donné, et d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Bonsoir à tous et à toutes. Excusez-nous pour le petit retard, mais le principal, c'est de se retrouver après cette saison estivale. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances, que la rentrée scolaire s'est bien faite pour les petits tout comme les grands. Et nous nous retrouvons à nouveau pour 2 heures pour une émission sur la route avec toi Johnny, sur votre radio bien sûr, 100% Johnny. Un beau programme, je vous ai préparé un beau programme et 2 interviews. On aura Diego Rabot au téléphone et puis on aura JB Tatou après. Voilà, je vous ai choisi les chansons que l'on aime bien, les chansons de Johnny qu'on aime écouter. J'ai pas choisi d'album spécialement, on se laisse aller au fil du temps. Je vous souhaite une très très bonne soirée, si vous saviez comme je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, on va commencer par la chanson. La première, c'est « Mon pays », c'est l'amour, parce qu'on a besoin d'amour en cette période un peu compliquée. Allez, « Mon pays, c'est l'amour », vas-y Johnny. Voilà, comme je disais, on se retrouve pour une nouvelle saison sur la route avec toi, Johnny. On va écouter une deuxième chanson de cet album de 2018 avec Made in Rock'n'Roll. Vas-y, Johnny, on est là, on est tous là avec toi. C'est pas le temps qui va user ma carcasse. C'est pas le temps qui va user ma carcasse. Le temps il se lassera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent. Il va tomber bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur mon cœur, je suis made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Le temps il se lassera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis. En place. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma vie, je suis made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Oui, made in rock'n'roll. Je voudrais, en ce début d'émission, souhaiter un très très bon anniversaire à notre Lucky Furiani. Voilà Lucky, je sais que tu es à l'écoute. Donc tous les auditeurs se joignent à moi parce que Lucky, tout le monde le connaît. Hein, tous ceux qui suivent la radio 100% Johnny voient toujours Lucky avec sa caméra dans tous nos événements. Et bien voilà, Lucky, on te souhaite tous un très très bon anniversaire et je te fais plein de bisous. Voilà, on va continuer avec l'album, deux titres de l'album « Rester vivant tour » en 2016. Voilà, j'avais envie d'entendre ce soir les dernières musiques, les dernières années de Johnny. Donc on va écouter « Au café de l'avenir » et on enchaînera avec « La fille de l'été dernier ». On écoute, vas-y Johnny. Et des poussières, des hormones à travers. De la gorge, ça me travaille. Je suis un vrai champ de bataille. J'apprends la vie à l'envers sur une imitation. Est-ce que je vais devenir café de l'avenir? Et qu'est-ce que je vais devenir café de l'avenir? Je trinque au temps présent sur le Jacques de mes 20 ans, où tu suis oui, le chemin tracé. Petit à fait été. Et le compte en banque à zéro. Va falloir trouver du boulot. Qu'est-ce que je vais devenir? En café de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? En café de l'avenir. L'amour écrase ma route. Et je les voudrais, je les voudrais toutes. Je la joue, oui, romantique. Ou perdant magnifique. Et la fin était plus classique. Prédit auto et tout cirque. Qu'est-ce que je vais devenir? Café de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Au café de l'avenir. Du bar, je regarde la rue. Je me suis mis minable pour avoir l'air respectable. Dans les balises sous les yeux, une lettre commandée. Mon vieux à 50 ans passé, si j'en vois tout chier. Assis sur mes convictions, je reste comme un con. Je suis pas vu vieillir, j'ai pas vu le coup venir. Le temps d'un dernier verre, on va bientôt fermer. Et je me prépare à partir. Mais on venait juste de commencer. Vous connaissez tous les prénoms des filles qui font partie du rock'n'roll. Il y a Nadine, il y a Peggy Sue, il y a Sally, et il y a une certaine jolie Sarah. Le papa est vraiment tard, il y a autre chose sur terre. Quand j'appelle la fille que je préfère, ma tombe dit t'as du travail à faire. Après je me demande qui peut m'empêcher de retrouver la fille de l'été dernier. Elle m'a donné rendez-vous et j'ai soigné ma coiffure. Mais mon père et ma mère m'ont retiré leur voiture. Je n'ai pas travaillé, j'ai dit que j'étais malade. T'as du travail à faire, fils, pas de balade. Parfois je me demande ce que je peux faire pour retrouver la fille de l'été dernier. Je prendrai le premier train, je n'attendrai pas l'été. Et j'enverrai tous mes problèmes au bureau de l'Elysée. Oui, j'ai vu le président, il avait les reconnus. J'aimerais que les bêtises est trop jeune pour voter. Parfois je me demande ce qu'il y a de pire que de vouloir aimer une fille en été. savez que, avant le rock'n'roll, il y avait le rockabilly. Le rockabilly a été chanté par les pionniers du rock, bien sûr, mais ça a commencé avec Elvis. En 1955, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième disque d'Elvis, vous savez, à l'époque c'était des 45 tours, il avait enregistré cette chanson à... Alors, là, on va écouter la chanson « Fils de personne ».« Fils de personne », Johnny en duo avec Yarol Poupeau. Donc là, c'est pas là pour rien, puisque tout de suite après, nous allons avoir l'interview avec Diego. Diego Rabaut, qui est très très jeune. Diego, il a 17 ans. 17 ans. Il va nous raconter son histoire, il va nous raconter... le rêve qu'il a réalisé par rapport à Johnny, grâce à Yarol Poupeau, justement. On va tout vous expliquer après dans cette interview en direct. Alors, on va écouter Fils de personne parce que, justement, ça va annoncer la surprise et le rêve qu'il a réalisé par rapport à cette chanson Fils de personne. On y va, Johnny et Yarol. Et solo guitare de Yarol Poupeau. We'll be right back. Et oui, fils de personne. Superbe chanson avec Johnny et Yarol Poupeau. Le solo de guitare de Yarol Poupeau et Johnny qui lui avait passé le micro. Alors cette chanson n'est pas là pour rien. Et c'est là que nous allons en parler plus en détail avec Diego, ce jeune de 17 ans. Diego, tu es là, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, Diego. C'est... Tu vas bien? Oui, impeccable. Super, et, oui. Et toi? Ben oui, ça va. Alors, je crois que c'est ta première radio ce soir, c'est ça? C'est ma première radio, oui. Bon, pas trop le trac, ça va? Non. On est cool entre fans de Johnny, tous les auditeurs sont fans de Johnny, beaucoup sont fans de Yarol, donc on est en famille ici ce soir. Exactement. Voilà. Alors, pour les auditeurs, je voudrais que tu te présentes. Avant que tu te présentes, je vais quand même dire comment je t'ai connu. Donc, je t'ai connu au concert de Yarol Poupeau cet été, hein, le 24 août à Course et le 26 août à Coulon. Et tu étais déjà inscrit sur le Yarol Fan Club. Donc voilà, tu faisais déjà partie de la famille. Et donc je t'ai découvert là-bas. Et puis il s'est passé quelque chose à Coulon ce 26 août, quelque chose de particulier. Mais présente-toi d'abord. Tu as 17 ans. Alors, tu as 17 ans et t'es pourtant fan de Johnny. Moi, je peux dire aux auditeurs que t'en connais peut-être plus que certains qui sont plus âgés. C'est incroyable. Comment, dis-nous ton chemin avec Johnny. Eh bien, donc, déjà, je m'appelle Diego, ça laisse pas anodin auprès des fans de Johnny. Eh oui, eh oui. Je suis né avec Johnny, entre guillemets, on va dire ça. Moi, j'ai découvert Johnny, j'étais tout jeune. Je l'ai découvert, donc, je suis né en 2004 et je l'ai découvert en 2006. Mes premiers souvenirs avec Johnny, c'était Johnny au Palais des Sports en 2006. Oui. Donc, Quand mon papa a acheté le DVD direct le jour de sa sortie, j'ai vu Johnny sur la télé, et puis là j'étais ébloui par Johnny, quoi. Je me souviens très bien de la scène, je suis resté fixé, quoi, sur la télé, et c'est là qu'est devenu la passion, quoi. Et oui. Et donc je suppose que voilà, Johnny faisait partie de la famille, tu l'entendais tout le temps chez toi. Papa était fan de Johnny, bien sûr. On ne pouvait pas passer une journée sans écouter Johnny, c'était compliqué. Et voilà, c'est ça. Alors, tu as eu la chance, avant de parler de ton rêve que tu as réalisé grâce à Yarol Poupeau, tu as eu la chance de gagner un objet appartenant à Johnny. Dis-nous comment ça s'est passé et dis-nous quel est cet objet. Ouais, alors en 2019, je m'inscris à un jeu concours. Donc Yarol annonce sur Facebook, Instagram qu'il a une paire de chaussures qui a appartenu à Johnny et que Johnny avait offert à Yarol en 2015 et pendant la tournée des festivals au tout début de la tournée 2015 et Johnny lui a fait filer une paire de pompes et Yarol la mettait en jeu concours, voulait l'offrir à un fan et j'ai été tiré au sort. Ouais. J'ai été tiré au sort et j'ai gagné les chaussures de Johnny en novembre 2019 et première rencontre avec Yarol. Voilà. Du coup, voilà. On s'est donné rendez-vous sur Niort dans une petite salle de concert, un petit resto, un bar. Et là, du coup, j'ai rencontré Yarol et il m'a filé les chaussures. On a joué ensemble sur scène pour la première fois. Oui. Je commençais à jouer de l'harmonica et sur scène j'ai fait Gabriel avec lui, j'ai fait le solo de Greg Zapp. Super. Et donc les gens avaient pas mal aimé et voilà, c'est la première rencontre avec Yarol, ça. Ça c'était déjà génial. Tu as également, ouais. ta maman m'a mis un petit peu dans la confidence, tu as également un deuxième objet que tu as eu pendant un concert de Johnny. Ouais, alors j'ai réussi. C'est pas moi. Moi, je l'ai en ma possession, mais c'est mon père. En 2009, à Angers, Johnny a jeté sa serviette et puis mon père a réussi à l'avoir et à l'encadrer à l'heure actuelle. Donc c'est un bel objet de collection. Super. Alors avant de raconter ton rêve, on va écouter la chanson c'est la première chanson. Dis-nous un petit peu cette chanson, c'est La Loi du Silence. Tu m'as dit que c'était la première chanson qui t'a marqué par rapport à Johnny. Dans ma mémoire, oui, c'est vraiment celle-ci. Je sais pourquoi celle-ci, pourquoi une autre, je sais pas du tout. Mais c'est celle-ci qui m'a marqué directement. Et j'ai mes premiers flashs avec Johnny, c'est sur la loi du silence. Pourquoi, voilà. Je sais pas, mais elle m'a marqué. Alors, cette loi du silence, elle vient du Flashback Tour 2006. C'est ça. Donc, c'est pas très étonnant, puisque c'est l'époque où il t'a vraiment électrisé, on va dire. Eh bien, tu vas rester avec nous au téléphone, on va continuer avec toi après, mais on va écouter donc cette fameuse chanson qui t'a marqué la toute première fois. Donc, c'est la loi du silence. On revient avec toi, Diego. Yes. Des mots entre quatre murs, ou des mots qui cognent à l'intérieur, et des secondes qui durent, oui, des heures. Pas l'humour, pas la culture, un ciel noir pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir. Le cœur entre quatre tours, le parloir des prisons, et juste le pouvoir de dire non. Qui n'a jamais subi la loi du silence? La voix du silence, qui n'a jamais connu le bruit du silence, le fracas du silence, la loi du silence. On n'apprend pas à sourire, on apprend la différence, on est à l'ombre de son existence. On a l'accès interdit et la peur dans les regards, les yeux qui changent, oui, le trottoir. Rien à perdre, rien à dire, il n'est que son pire ennemi. Jamais subi la loi du silence, la voix du silence, la voix du silence, mais qui n'a jamais connu le prix du silence, le fracas du silence, la loi du silence. Que son pire ennemi et voir danser les flammes dans la nuit. Qui n'a jamais subi la loi du silence, la loi du silence, la loi du silence. Qui n'a jamais connu le prix du silence, le fracas. La loi du silence. Venez retrouver Annie sur La Route avec toi, Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny. La seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Alors voilà, nous venons d'entendre, Diego, tu es toujours là ? Oui, oui. Oui, donc nous venons d'entendre cette chanson qui t'a marqué très très jeune, hein, finalement. Hein. Donc très, ouais, jolie, ouais. Très jolie chanson d'ailleurs. Hein. On écoutera ta chanson préférée tout à l'heure, mais là, avant, je voudrais que tu nous racontes à tous les auditeurs qui sont là ce soir, qui sont à l'écoute, ce qui s'est passé à Coulon le 26 août dernier. Donc, nous étions au concert de Yarol Poupeau. Alors, on avait fait ensemble le concert deux jours avant à Course, C'est toujours du côté de Niort, hein, c'est là où il a sa maison. Et donc, nous avons fait connaissance le 24 août. Et le 26 août, tu t'es mis devant, au premier rang, avec les Yarol Girls, hein, avec le Yarol Fan Club, dans l'espoir de réaliser ton rêve. Et là, bah, ton rêve a pu se réaliser parce que Yarol t'a fait signe. Raconte-nous ce qui s'est passé. Déjà, j'arrive au concert et je vous vois directement au premier rang. Donc, je vous rejoins directement avec les Yarol Girls, du fan club de Yarol. Et je vous dis directement, ce soir, je monte sur scène. Et puis là, le concert commence. Et j'entends les premières notes de Fils de Personne. Et là, je fais, punaise, c'est cette musique-là, il faut que je monte sur scène. Donc, je fais des signes à Yarol, qui me souffle d'ailleurs, qui me regarde, parce qu'il a oublié des paroles de la chanson. Et il veut que je lui chuchote les paroles. Donc, on fait ça. Et à ce moment-là, Yarol me fait signe de monter sur scène. Donc, je monte sur scène, je prends les baguettes de batterie, et puis je rentame sur Fils de Personne, je l'accompagne à la batterie avec son groupe. Donc là, c'est un moment énorme. Parce que déjà, quand j'ai vu Johnny en concert, je voyais Yarol faire Fils de Personne avec Johnny. Et là, c'était moi, aux côtés de Yarol, en train de faire la même chanson. Exactement. C'était une drôle de sensation quand même. Une drôle de sensation, je pense que tu n'oublieras jamais cet instant. Non. Il faut souligner que Yarol est comme ça. Yarol a la même générosité que Johnny, parce que voilà, il sentait qu'il avait bien compris que c'était un rêve que tu voulais réaliser et il t'a donné ta chance, il t'a donné la possibilité de le faire, comme il donne la possibilité à d'autres jeunes musiciens. Ça, je tiens à le souligner parce que Yarol est une belle personne également. On était très fiers, on a pris les films, on les a publiés, on était très fiers. Je dois aussi souligner que ta petite famille qui était là était très fière et nous avons été heureux avec Marie. D'ailleurs, Marie te fait un bisou à toi et à ta petite famille, Marie Yarol Girl avec moi. Et on était très fiers et je dois dire que nous avons fait connaissance d'une très très belle petite famille. Entre ton papa, ta maman, rappelle juste les prénoms de ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, juste les prénoms. Julien, mon papa, oui. Katia, ma maman, oui. Clovis et Candice, mes frères et sœurs. Voilà, c'est une très très belle famille, je suis fière que vous soyez dans le Yarol Fan Club, vraiment, il n'y a que des gens bien dans le Yarol Fan Club, je dois dire. Ouais, et, et franchement, c'est que du bonheur. Franchement, tu n'oublieras jamais ce moment-là, forcément. Moi, on t'a vu monter sur scène, on a vu le batteur quitter sa batterie, hein, te laisser la place. Juste quelques secondes pour te mettre dans le tempo. Yarol jouait juste quelques notes pour te mettre dans le tempo. Et là, pouf, c'est parti. Mais ça faisait des années que je la répétais dans mon coin. Parce que depuis au moins 2-3 ans, je la jouais, je sais pas, peut-être, je vais dire 10 fois par semaine. Et en la jouant, à chaque fois, je me disais, un jour, je la jouerai avec Yarol, un jour. Et puis, avant le concert de Coulon, je sais pas, j'ai dû la jouer 20 fois dans la même journée. en espérant monter sur scène. Et puis, voilà, c'est arrivé le soir même, quoi. et ce moment est arrivé et on en a tous, franchement, eu les larmes aux yeux parce que c'était incroyable. Chers auditeurs, franchement, imaginez ce jeune de 17 ans qui se retrouve sur scène avec Yarol Poupeau à la batterie et qui joue Fils de Personne de Johnny. Ben non, mais désolé, franchement, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir en interview ce soir pour tous les auditeurs de la radio, parce que franchement, c'est incroyable cette histoire. Et je suis vraiment contente d'être tombée sur toi et d'avoir vécu ce moment en direct avec vous. C'est vraiment génial. Vraiment, merci. C'était génial. Vraiment merci Diego d'avoir cru en toi, d'avoir cru en cet instant. Je dois te dire que moi j'ai fait pareil avec Johnny, j'ai toujours essayé de croire à chaque chose et de croire en chaque fois où je pourrais le rencontrer. Et quand on a une détermination et une foi comme ça en ce qu'on a envie de faire, c'est un très bel exemple. Et franchement, Je te souhaite plein de bonnes choses pour ta vie musicale, ta vie évidemment merci, de travail bien. Et ainsi de suite. Mais je sais que tu as un groupe aussi, ce qu'on a vu. Oui, oui, oui. Voilà, parle-nous de ton groupe. Alors moi, mon groupe, c'est The Succession. Ouais. Et on fait énormément que du rock'n'roll. Et on passe des super moments, des super soirées. Génial. Et on s'éclate, quoi. Que des jeunes de mon âge. Et voilà, c'est la passion qui parle. Ben c'est super. Vive le rock'n'roll. Que le rock'n'roll continue tout le temps avec Yarol, avec toi, avec tous ceux qui en font. Et nous, on sera toujours, tu nous diras, hein, quand vous ferez un concert, on se déplacera avec Marie pour aller voir ton groupe. Carrément, ben j'ai carrément hâte. Carrément, avec plaisir. Carrément. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne soirée. J'embrasse toute ta petite famille qui doit être autour de toi, j'imagine. Donc, je vous fais tous des gros bisous. Nous écoute. Ouais, je vous fais tous des gros bisous. Et puis, on va écouter ta chanson préférée. Tu m'as dit que c'était « Comme si je devais mourir demain ». Alors, c'est de l'album « Country Folk Rock » de 1972. Et ça me touche particulièrement parce que tu vois, Diego, moi, le premier concert de Johnny que j'ai fait, j'étais jeune. Et c'était en 1972. Alors, tu vois, on se retrouve sur pas mal de points communs. Voilà. Exactement. On va écouter cette chanson, ta chanson préférée, « Comme si je devais mourir demain ». À tout bientôt, Diego. Salut, ciao. Merci. Salut, ciao. Allez, Johnny, « Comme si je devais mourir demain ». Aujourd'hui, je veux tout te dire. Je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal. Combien de fois t'ai je fait mal. J'ai voulu vivre à tout prix. Je n'ai rien fait de ma vie. Mais pour là première fois, je chante comme si je devais mourir demain. Je chante encore, comme un mot et des mourir demain. Je chante encore, comme un mot et des mourir demain. Aujourd'hui, je n'en peux plus. Je mets mon front sur ton sein nu. J'ai failli te perdre cent fois. Je sais que tu vaux mieux que moi. Maintenant, j'ai tout compris. Je recommence ma vie. Et pour la première fois, je t'aime comme si je devais mourir demain. Mourir demain. Je t'aime comme si je devais mourir demain. Écoutez votre web radio sur www.johnnysjh.fr et suivez notre actu. Infos, news, player et un max de sons en non-stop. 100% Johnny, la radio qui vous donne l'envie. Eh bien, quel bonheur d'avoir eu Diego au téléphone. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une histoire très, très émouvante d'un jeune comme ça, encouragé par Yarol Poupeau. J'ai trouvé ça très, très chouette de sa part. Et puis, incroyable comment il a bien joué de la batterie. Non, mais c'était... T'avais l'impression que c'était un pro, comme celui d'avant, comme celui qui a repris après. Enfin, vraiment, Diego, je te félicite. Et puis Marie vient de m'écrire un petit message parce qu'elle était à l'écoute. Oh là là, Yanni, trop émouvant. Et Diego, excellent. Voilà. Voilà le petit message de Marie pour toi, Diego. Et un bonjour à toute la famille, bien sûr. Alors, on va écouter une autre chanson de Johnny. Et après, nous aurons au téléphone, nous aurons JB Tatou. Hein. Bon, JB Tatou, vous êtes nombreux à le connaître. Hein. On va parler de son immense concert du 2 septembre. Voilà, on va en parler avec lui. C'est mieux d'en parler avec, avec les intéressés directement. Pour l'instant, on va écouter la chanson « De l'amour » de l'album du même nom, « De l'amour » en 2015. Vas-y Johnny, il nous faut de l'amour en ce moment, beaucoup beaucoup d'amour. Se faire un beau jour lâcher, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi ne veux plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop pour nous deux. J'en avais. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en vais. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en veux. Et je sombre pour nous deux. Hey! Je t'aimais tant. Je m'en veux et je sombre pour nous deux. Venez retrouver Annie sur la route avec toi Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny, la seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Alors pour cette émission de la rentrée, pour l'émission sur la route avec toi Johnny, eh bien David, le boss de la radio, a proposé de faire gagner un livre. Voilà, c'est le nouveau livre de Cyril Lafitteau. intitulé « Souvenir, souvenir » qui est paru le 13 septembre. Alors, nous sommes allés avec David faire une interview qui sera bientôt sur la page de la radio. Et en attendant, ce soir, on va vous faire gagner ce livre, ce tout nouveau livre de Cyril Lafitau. Alors, on va écouter la chanson suivante, le temps que vous preniez un papier, un crayon pour noter le numéro de téléphone pour envoyer vos réponses uniquement par SMS. Et puis, je vous poserai les deux questions. Ce sera une question de rapidité, hein. Ce ne sera pas une question à rechercher, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher bien loin. Là, ce soir, ce ne sera pas une question de réflexion, ce sera une question de rapidité. Donc, préparez pendant la chanson suivante votre papier, votre crayon pour noter le numéro de téléphone et noter les deux questions que je vais vous poser. Voilà, on va écouter une chanson, bah justement, on va écouter la chanson Diego. Bah oui, on a eu Diego pendant 10 bonnes minutes au téléphone, alors c'était tout imposé d'écouter Diego. C'est l'album On Stage de 2013. Allez, vas-y, Johnny. On t'écoute, Diego. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, dehors il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Venez retrouver Annie sur la route avec toi, Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny. La seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Alors, c'était cette belle chanson Diego. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez pris votre papier, votre crayon ? Vous êtes prêts à écrire le numéro de téléphone ? Je vous pose d'abord les deux questions. La question, c'est une question de rapidité parce que vous allez connaître la réponse forcément. À quelle date commencera l'exposition itinérante Johnny Hallyday à Bruxelles ? À quelle date commencera l'exposition itinérante à Bruxelles ? Et la deuxième question, combien de temps va durer cette exposition ? Combien de temps va durer cette exposition ? Voilà. Je répète une dernière fois pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter. La première question, vous avez deux réponses à me donner. Hein. La première question, à quelle date commencera l'exposition itinérante Johnny Hallyday à Bruxelles ? Donc, vous donnez la date. Et la deuxième réponse, c'est combien de temps va durer cette exposition ? Voilà. Eh bien, vous pouvez être tous à vos claviers. Alors, uniquement par SMS, hein, n'appelez pas ce numéro, uniquement par SMS, vous donnez vos deux réponses au 07 56 89 63 19. Je répète, 07 56 89 63 19. Voilà. Donc, je redis vite fait. À quelle date commencera l'exposition itinérante Johnny Hallyday à Bruxelles ? Et deuxième question, combien de temps cette exposition durera à Bruxelles ? Voilà, et bien écoutez, bonne chance à tous. Celui qui aura été le plus rapide gagnera le livre « Souvenirs, souvenirs » de Cyril Lafitteau, qui est donc paru le 13 septembre, donc c'est tout chaud, tout nouveau. Voilà, bonne chance à tous. Et là, je vous avais dit que nous aurions au téléphone JB Tatou qui doit être en attente. JB, tu es là ? Allô, JB ? JB, tu es là ? Tu nous entends ? On ne t'entend pas à la radio. Moi, je t'entends, mais je ne pense pas que les auditeurs t'entendent. Alors, petite technique. Est-ce que les auditeurs entendent JB, attends, ça va venir. Alors, JB, tu es là ? Oui, je suis là. Oui, ça y est, ça marche, ça marche, ça marche. Bonsoir JB, comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va bien. Remis de, oui. Remis de tes émotions fortes. Je suis encore sur mon petit nuage, mais ça va bien. Encore sur ton nuage. Alors, je rappelle pour les auditeurs, hein, que tu as fait un concert fabuleux, fabuleux, le vendredi 2 septembre, ce concert qui s'appelait « Toujours là ». Alors, raconte-nous un petit peu. Moi, déjà, je voudrais avoir, avant de rentrer dans les détails, les invités qu'il y avait, comment ça s'est passé, je voudrais que tu me dises comment tu as ressenti cette soirée extraordinaire. 4 heures de spectacle quand même, 4 heures. 4 heures et demie, ouais. 4 heures et demie. C'est surhumain, ça. Même Johnny ne faisait pas ça. Oui, je pense que c'était bah, déjà ce spectacle avait été annulé cet été. Oui, c'est ça. Au mois de juin. Oui. Donc, il a été très difficile de le remettre en 2 mois sur pied, parce que c'était vraiment un très gros spectacle avec beaucoup de musiciens, une très grosse scène. Il y avait vraiment une grosse pyrotechnie et tout ça. Donc, remettre ça en 2 mois était très difficile. Donc en fait, je pense que j'avais l'envie, la niaque, la rage de le faire, ce spectacle. Et du coup, ben je suis parti. J'avais 3 heures de prévu de spectacle et en fait, on a fait 4 heures et demie. Incroyable. Donc je suis sorti de scène quand je tenais plus le bout, en fait. c'est un peu ça. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu en gardes ? Quelles ont été tes impressions sur le moment ? De voir tous ces fans là avec tous tes invités, enfin qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? J'ai vécu un rêve de gosse, pour avoir des gros spectacles, j'en ai fait plusieurs. Celui-là était le plus gros de tous. En fait, celui-là était un petit peu une consécration à tout ce que j'ai déjà fait depuis tout gamin. Et en fait, c'était un rêve de gosse parce que j'avais des super invités sur scène. J'avais Pierre Billon avec sa fille, Marie-Max. Oui. J'avais Norbert Krief. Ça, c'était vraiment exceptionnel pour moi de pouvoir échanger la scène avec lui. Et puis c'est un mec qui a toujours, il avait des comportements sur scène que j'ai reconnu sur les scènes d'Hallyday, en fait. Bah oui. Ses postures, c'est. C'est toujours le même. C'est vraiment un mec qui fait partie du live, hein, qui aime la scène. Donc on a eu des échanges énormes sur scène. Il y avait vraiment une rage sur scène. C'était vraiment vraiment très fort. Et puis voilà. Après moi, comme je l'ai toujours dit, moi j'ai besoin parce que j'ai annoncé que je sortirai bientôt un album de composition personnelle, oui. Mais que de toute façon je chanterai toute ma vie du Hallyday parce que ça me vide le corps. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Chanter du Hallyday, ça vide. C'est une bonne thérapie. C'est essentiel à ta vie, en fait. Ouais. Ben, je suis né de ça. Je suis un enfant de d'Hallyday parce que c'est Hallyday qui m'a donné, depuis tout petit, l'envie de faire de la guitare et quand je l'ai vu sur scène la première fois, j'ai jamais lâché ça. Et puis donc je reprends tous les morceaux les moins connus ou les morceaux qu'on n'entend plus. Ou que Johnny n'a jamais chanté sur scène, c'est les morceaux qui m'intéressent à reprendre, en fait. Et puis voilà, je le fais à ma manière, avec un petit côté je viens de cette famille-là. Hein. Moi, je dis que Hallyday, en fait, Johnny a inventé un style. Johnny est un style comme le rock'n'roll en est un. Il n'y a que Johnny qui a inventé ce style, qui est un dérivé du rock, mais qui est du Johnny. Donc du Johnny, voilà, ça se respecte, ça se chante, ça s'imite pas. Non, ça s'imite pas, ça se... Voilà. Ouais, de toute façon, c'est une chose qu'il faut. Johnny, de toute façon, il y en aura toujours qu'un. Ça sert à rien d'en chercher un autre, de toute façon. C'est notre pilier à tous, hein. Moi, je sais que c'est mon pilier. Et puis voilà, si je le remercie encore de me donner tout ce que moi je vis aujourd'hui, hein, parce que c'est un petit peu grâce à lui que je vis tout ça, hein. Il m'a donné l'envie de tout ça, de toute façon. Bien sûr, et puis voilà. Donc moi, j'ai envie de faire de la grosse scène. J'ai envie de m'éclater. J'ai envie de me rouler par terre. J'ai envie de faire ce que lui m'a donné envie, en fait, tout simplement. Et oui. Alors donc, je rappelle pour les auditeurs, hein, que moi, je t'ai connu, JB, quand nous avons organisé avec Sébastien, justement, qui est à mes côtés. Hein, a organisé une soirée concours de chant de Johnny au salon Les Années Vintage à Vierzon. D'ailleurs, nous y allons le week-end prochain, hein, les Années Vintage à Vierzon. Nous avions organisé ce concours de chant et l'invité principal du jury était Pierre Billon, justement. Tu nous as chanté Le cœur en deux et c'est toi qui as gagné le concours. Hein, voilà, c'est comme ça que j'ai fait ta connaissance, qu'on a fait ta connaissance et tu étais donc le gagnant de notre concours. Et c'était haut la main parce que à ce moment-là, quand on a débattu avec le jury et avec le président du jury, Pierre Billon, il a dit de toute façon, faites pas les comptes. Enfin, si, on les a fait quand même, bien sûr, mais il dit pour moi, il n'y en a qu'un, c'est JB Tatou. Donc voilà, c'était donc tu vois, ta ligne était déjà tracée à ce moment-là. Oui, c'est vrai, c'est donc, vrai. C'est bien. C'est vrai. Alors, j'ai cru comprendre que le spectacle était passé, je crois, en direct sur votre radio. Oui, tout à fait. C'est super. Ouais. Voilà. C'est super, merci. Oui, tout à fait. David de la radio était présent. Moi, malheureusement, je n'y étais pas parce qu'il y avait un souci familial de santé, donc j'ai pas pu être là. Mais David était là et le concert a été retransmis à la radio, bien évidemment. Comme nous sommes dans la plupart des événements. Rappelle-nous les invités que tu avais pour ce superbe concert. Donc, il y avait Pierre Billon avec sa fille. Oui, et j'avais Norbert Krief, Nono. Ouais, voilà. Donc, voilà, alors Nono, c'est quelqu'un déjà d'exceptionnel, vraiment. C'est vraiment quelqu'un d'une gentillesse Et puis en fait, on s'est lié d'amitié. Déjà, au premier spectacle annulé, il était déjà là. Il était arrivé. On avait passé la soirée ensemble la veille, où on s'est raconté un petit peu nos histoires. Et le lendemain, il m'a accompagné dans mon désarroi en fait, du premier spectacle jusqu'à celui-là qui a eu lieu le 2 septembre. Oui. Il m'a appelé une fois par semaine. Il m'a vachement soutenu, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il a été très présent et il a été très avenant avec moi. Et en fait, du coup, on s'est vraiment lié d'amitié. Et je pense que on va avoir des choses à faire ensemble. Ah super, bonne nouvelle, ouais. Bonne nouvelle. Mais... Ouais, d'ailleurs, il était... Mon spectacle, il m'a fait à la fin de mon spectacle, il m'a fait un super cadeau. Il voulait absolument qu'on se voie en privé après le spectacle et il m'a félicité sur cette prestation de 4h30. Alors il m'a dit un concert de 4h30, c'est naturellement, bien sûr, trop long, mais tu as bien fait de le faire parce que ça t'a vidé, t'en avais besoin. Et moi, je suis heureux de t'avoir vu sur 4h30 pour avoir vu ta voix du début du spectacle jusqu'à la fin n'a pas vacillé. Et je suis content d'avoir vu ça. Et j'avais l'impression d'être un gosse. Ben oui, c'est un beau compliment. Mmh. Et puis tu vois, comme on parlait tout à l'heure, je sais pas si tu as écouté, mais avec Diego qu'on a eu avant toi, on parlait d'Yarol Poupeau, là on parle de Norbert Krief. Moi, je trouve que tous ceux qui étaient aux côtés de Johnny ont la même gentillesse que Johnny, ont le même côté protecteur. Mais enfin, je pense que Johnny n'était pas, surtout dans ses musiciens, mais bien sûr, il a fait des mauvaises rencontres, parce que les gens gentils font des mauvaises rencontres. Mais sinon, c'était pas quelqu'un qui était entouré de salopards. Ah oui, non. Il était vraiment entouré de bonnes personnes. Moi, quand je vois le comportement que Krief a eu avec moi, ça me rassure quelque part de me dire que Hallyday bossait avec des mecs comme ça. Exactement. Et puis qu'il a laissé quelque chose derrière lui, une gentillesse qui perdure. Voilà. Et ça, c'est important. C'est important. Et voilà, je pense que toi, comme moi, de tous les gens qui ont côtoyé Johnny au plus près, tous ces gens-là disent la même chose de Johnny. Et puis c'est bien parce que ça rassure. On sait que c'était un brave mec. De toute façon, on ne fait pas 60 années de carrière sans être sincère. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Écoute, pour l'instant, JB, on va écouter une chanson. On va écouter notre Johnny. Hein, c'est notre phare. Hein. On va écouter la chanson 20 ans. C'est de Born Rocker Tour de 2013. Et puis, je te retrouve juste après. Tu ne raccroches pas surtout. D'accord ? Okay. À tout à l'heure. On écoute notre Johnny 20 ans. En duo avec Florent Pagny. On n'est pas là pour payer les dettes. On a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Oh, il n'y a pas grand chose que l'on regrette. L'on ne veut plus se souvenir. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on a plus. Faire éblouir. Chaque journée est une. On est venu à bout de la bête et des nuits qui devaient rétrécir. On ne battra jamais en retraite. On a encore tant de choses à offrir. Venez retrouver Anouk sur la route avec toi, Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny. La seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Alors JB, tu es toujours là ? Oui. Oui. Alors, tout à l'heure, on passera à la chanson, comme on disait tout à l'heure que tu avais gagné le concours que nous avions organisé aux années vintage à Vierzon. Tu avais gagné avec une chanson que tu aimes beaucoup, qui a touché énormément Pierre Billon, puisque c'est lui qui l'a écrite. On écoutera Le cœur en deux, bien sûr, à la fin de notre interview. Oui. Alors, moi, la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il y aura un DVD de ce concert ? Disponible. Oui, il y a un DVD qui est en route là. Ah, super. Que je vais tout faire pour qu'il sorte, qu'il soit sous le sapin de Noël. Ah, bien. Parce que j'ai beaucoup de commandes. Mais oui, il y aura un DVD, ça sera un coffret collector en fait que je ferai. Il y aura deux DVD, vu que c'était 4 heures de spectacle, et deux CD. D'accord, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les auditeurs qui nous écoutent. On pourra déjà, tu nous tiendras au courant et nous, on partagera l'information, mais sinon on pourra le commander par quel intermédiaire, comment ça se passe, enfin, t'as alors, pas encore... sur ma boutique en ligne, sur ma page Facebook JB Tattoo Rock'n'Roll Band. D'accord. Ou sur l'Insta JB Tattoo Rock. D'accord. Voilà, ma page JB Tattoo Rock'n'Roll Band, c'est la page phare en fait. Voilà. Où on peut voir toutes les images du spectacle. Tout où à on fait. Va voir, on va commencer à voir d'ici quelques semaines des extraits du DVD, et puis voilà. Oui, oui, j'encourage d'ailleurs tous les auditeurs à aller sur cette page, hein, JB Tattoo, parce qu'il y a déjà, tu as déjà mis pas mal de photos du spectacle qui sont vraiment superbes, hein, qui sont vraiment superbes. Une autre question pour terminer, quels sont tes projets futurs ? Qu'est-ce que tu envisages ? Est-ce que tu as déjà plus ou moins pensé à des choses précises ? Quelle sera l'actualité de JB Tattoo ? Alors, je me laisse porter par la vie. Ouais. Je me laisse porter par tout ça. En fait, là, nous, déjà, on a une tournée de prévue aux États-Unis l'année prochaine en octobre. Ah oui. Donc la tournée est en train de se faire. On avait déjà fait une petite tournée en 2019 et en fait là on va en faire une plus grosse en 2023. Y a plusieurs choses. On a aussi de bons liens aussi pour le Japon. Mais j'ai pas assez de dates pour pouvoir me déplacer au Japon. Il m'en faudrait plus. Donc on est en train de travailler là-dessus. Sinon, en France, après ce spectacle, j'ai commencé à décrocher beaucoup de contacts, de contrats. Donc, j'ai décroché Morzine, la plus grosse concentration d'Europe d'Harley Davidson, en juillet 2024. Donc ça, j'ai décroché ça. Après, j'ai plein de contacts, donc je fais du tri, hein, parce qu'il faut de toute façon faire du tri dans tout ça. Mais je me laisse porter par la chose. Je suis prêt. Je suis prêt à y aller. Super, Max. Voilà. Bon, après, je vais faire un album de mes compos, parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Alors, d'avoir un DVD pour avoir de l'image de mes spectacles, ok, après, je ne vois pas l'intérêt de faire de sortir des CD en chantant du Johnny, parce que si on n'y a rien que de mieux que l'original, si par exemple on veut écouter Requiem par un fou, on écoute Requiem par un fou de la version de Johnny, pas par un autre, que ce soit moi ou les autres. Oui, oui, bah, je suis d'accord avec toi. Mmh. Donc, aucun intérêt pour moi d'aller en studio faire un album en reprenant Dualité, c'est hors de question. Mmh. Donc, je vais mêler au fur et à mesure mes compositions à ma setlist de reprise de Johnny. Bah oui, de toute façon, ce sera très bien d'avoir à la fois dans tes concerts du Johnny et à la fois tes propres compositions. Ça, c'est très enrichissant. Ouais, ouais, ouais. C'est très enrichissant pour tout le monde. Ok. Oui. Bah écoute, JB, je suis contente de t'avoir eu dans ma première émission de la saison pour faire un petit peu un retour sur cette soirée superbe, ce concert extraordinaire. Et puis voilà, pouvoir rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde, pouvoir en parler à ceux qui n'étaient pas là, parce que tout le monde ne peut pas venir forcément. Et puis, oui, et puis donner cet espoir qu'il va y avoir un... Ouais, en tout cas, j'avais des gens de toute la France. Et ah ça, oui, j'en suis ça, c'est très bien. Fier. Ah oui, ça c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est bien, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu être là, on a l'espoir qu'il y aura les DVD et on pourra voilà, se rattraper oui, bien sûr, et puis se mettre dans l'ambiance et rattraper un petit peu le retard. Voilà, bah, écoute JB, à tout bientôt. Tu, oui. Dès que tu as des infos précises, tu nous les donnes, comme ça nous, à la radio, on fait suivre aussi, hein, on partage l'info. D'accord. C'est super. Et puis bah, écoute, bonne continuation, bonne préparation pour la future tournée. Et puis on attend merci. Le DVD pour le cadeau de Noël. Merci. On va écouter Le cœur en deux, hein, de notre Johnny, cette chanson qui t'a fait gagner ce concours, hein, te permettant oui, d'avancer. Ma chanson préférée. Exactement. Et bah, écoute, on l'écoute. À bientôt, JB. Merci. Ciao. Au revoir. On écoute donc Le cœur en deux. Avec Johnny. Ce sera mon dernier orage. Comme un mal qui ronge mon cœur, ta main est toujours sur ma peau. Je confonds bonheur et douleur, entremêlés dans un sanglot. S'enfuir tes cheveux, mais ayant perdu la lumière, mon corps est comme un cimetière où brûle ma propre croix de feu. On y trouvera tes lèvres au fond de tes yeux, ce sera ma dernière gloire. Qui vous fait bouger toute la journée. C'est 100% Johnny. Tous les hits du boss. Johnny, plus qu'une légende, un mythe. Quelle magnifique chanson, Le cœur en deux, une chanson de Pierre Billon. Et cette chanson qui avait permis à JB Tatou de gagner le concours pour les années vintage. Alors j'en profite pour faire notre petite pub, hein, parce que les années vintage à Vierzon, c'est une fois par an, hein, le dernier week-end de septembre, et donc ce sera le week-end prochain. Et j'ai la chance d'y être encore cette année avec Sébastien, avec Seb, pour la sono, Seb Animation évidemment, et j'aime participer à ces années vintage avec Jean-Claude et Isabelle, que je remercie de m'associer à chaque fois. Donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, le week-end à venir, eh bien, vous pouvez venir à Vierzon, c'est pas très loin. Hein. Donc, et il y aura donc plein d'animations, plein de stands, les années vintage. Donc, il fera beau, je suis sûre qu'il fera beau, on va tenir le bon bout. Donc, venez nous retrouver, vous nous retrouverez facilement, on sera sur le podium, hein, donc dehors, donc il n'y a pas de souci. Vous ne verrez que nous. Voilà. Eh bien, on va... Alors, je ne connais pas le nom du gagnant ou de la gagnante. J'attends que David, le boss de la radio, me le transmette. Mais a priori, il y a un gagnant ou une gagnante pour le jeu. Ce livre a gagné Souvenir de Cyril Lafitteau. Ce livre qui est paru le 13 septembre, donc c'est tout récent. Et nous avons été faire une interview avec David de Cyril, qui sera bientôt publié sur la page de la radio, sur le site de la radio. Donc, restez un petit peu en éveil. Vous verrez bientôt cette interview qui était bien sympathique. On va continuer à écouter les chansons de Johnny. Et dès que j'ai la réponse de David sur le gagnant ou la gagnante, je vous rappelle les deux questions. Hein, c'était à quelle date commence l'exposition itinérante Johnny Hallyday à Bruxelles ? Donc la première réponse, c'était à quelle date ? Et la deuxième question, c'était combien de temps va durer cette exposition ? Voilà, donc vous avez sûrement été nombreux et rapides à répondre. Alors avant la fin de l'émission, j'aurai le nom du gagnant ou de la gagnante et je me ferai un plaisir de vous l'annoncer. On va continuer avec ce titre « Quatre murs ». C'était toujours dans l'album « Born Rocker Tour » de 2013. On va écouter cette chanson, Johnny. Quatre murs. Il y a ta paume contre la vitre, tu sais, j'y vois tous les signes. C'est clair que le bleu de tes yeux m'évite, tu me mens, mais tu restes digne. Tu t'es fait belle, mais moi je sens que tu t'es fait la belle. Quatre murs autour de moi qui m'empêchent de te tendre les bras. Chaque jour je fais une croix, quatre murs autour de moi, et dessus que des photos de toi, aucun mur autour de toi, et leurs mains sur ton corps, c'est ma croix.

m'aimes, si un jour toi tu m'abandonnes. Si un jour toi tu m'abandonnes, si un jour toi tu m'abandonnes. Venez retrouver Annie sur la route avec toi, Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny, la seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Alors, ce jeu pour gagner le livre Souvenir, souvenir de Cyril Lafitteau. Alors, je vais déjà donner les réponses aux questions avant de vous dévoiler le nom du gagnant, que c'est un gagnant. À quelle date commencera l'exposition itinérante Johnny Hallyday à Bruxelles? Il fallait répondre le 20 décembre 2022. Combien de temps? Combien de temps durera cette exposition à Bruxelles? Il fallait répondre 6 mois. Voilà, c'était pas compliqué, hein, il suffisait d'aller lire sur la page de l'exposition et puis vous avez dû voir tellement de messages passer puisque vous pouvez déjà réserver vos places. Alors, on a un gagnant. Il est loin d'ici, il est loin d'Orléans. Ouh là là! Il s'agit de Éric Julien qui habite à Nice. Il habite au soleil. Eh bien, bravo Éric. Bravo Éric Julien, vous venez de gagner ce superbe livre Souvenir, souvenir de Cyril Lafitteau. Voilà, félicitations. Et puis, bon, il y aura d'autres jeux comme ça dans l'émission. Vous inquiétez pas pour tous ceux qui ont joué et qui n'ont pas gagné. Il faut toujours un seul gagnant, hein. C'est la loi. Hein. Mais il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Vous aurez l'occasion de vous rattraper. En tout cas, félicitations Eric. On va continuer avec la chanson. Alors, c'est une chanson de l'album Jamais Seul. J'adore cet album. Pourtant, il est très peu connu. Il y a peu de fans. Quand j'en parle avec les fans, il y a très peu de fans qui connaissent cet album. Et très peu qui l'aiment, moi je l'adore. Et j'aime surtout cette chanson, J'adore. Ça peut faire aussi un jeu de mots, J'adore. Voilà, on va écouter cette chanson qui est magnifique, avec J'adore. Vas-y Johnny. J'admets parfois être faible. Aussi avec elle, et alors Jade. Mais ce que j'ai de plus fort, j'additionne, je collectionne tous ces instants qu'elle me donne. J'adore regarder, oui j'adore quand elle dort, oui j'adore, oh j'adore regarder, oui j'adore quand elle dort. Se rend pas compte à quel point pour moi elle compte. J'additionne, je collectionne tous ces instants qu'elle me donne. J'adore, oui, j'adore regarder. J'adore quand elle dort, oh j'adore, j'adore regarder, Jade Cantel dort. Venez retrouver Annie sur La Route avec toi Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny. La seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Nous sommes avec vous partout. Restez connectés et écoutez 100% Johnny. En non-stop, la web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Eh bien, ces deux titres étaient de l'album Tour 66, Unchained Melody. Johnny était en duo avec Joss Stone. Et nous avons écouté en deuxième le Outro Tour 66. C'était en live, c'était très bien. Alors, nous avons eu tout à l'heure en interview, au début d'émission, Diego. Diego, ce jeune de 17 ans qui est très fan de Johnny, qui en connaît plein de choses sur Johnny et qui a eu ce rêve de pouvoir jouer à la batterie sur Fils de Personne, sur cette chanson avec Yarol Poupeau, sur scène à Coulon le 26 août. Alors, si vous venez sur ma page Facebook Sur la route avec toi Johnny, hein, du nom de l'émission, je vous remettrai à nouveau, parce que je l'avais déjà mis, mais bon, pendant les vacances, vous n'étiez peut-être pas trop sur les sites et sur les pages Facebook, mais je vous remettrai la vidéo pour que vous entendiez Diego jouer à la batterie sur Fils de Personne, et vous verrez la qualité de musicien qu'il est pour 17 ans. Franchement, bravo encore Diego. Donc voilà, vous pouvez venir sur la page Facebook Sur la route avec toi Johnny, je vous recevrai avec plaisir. Pour ceux qui y sont déjà, ce ne sera pas un souci. Et je vous posterai dès demain matin, ou peut-être ce soir si j'ai le courage, cette vidéo où Diego a eu le bonheur et ce rêve de jouer à la batterie sur Fils de Personne. Alors on va écouter maintenant, là, l'émission arrive presque à sa fin, ça passe vite 2 heures en votre compagnie. Mais je suis tellement ravie de vous avoir retrouvé. On va écouter L'Instinct de l'album À la vie, à la mort. Vas-y Johnny, on est toujours là avec toi, L'Instinct. L'instinct est une femme qui me guide. Chaque jour pour moi, elle décide. Je m'en remets à ses pulsions. Je ne me pose jamais de questions. Ce n'est que pour moi quand elle danse. M'entraînant jusqu'au bout de l'envie. Loin de la routine et de l'ennui. Je crois tout. Tu dis, fais

Et oui, le poids de mes mots. C'était Johnny. Alors, l'émission est déjà finie. Oh là là là là. Ça passe tellement vite ces deux heures. J'étais tellement ravie de vous retrouver et de retrouver le beau studio des Moulins à Olivet chez Seb. On y est bien, je vous assure, on y est bien dans ce studio. Eh bien voilà, on a passé deux heures avec notre Johnny, avec vous chers auditeurs. On a eu au téléphone Diego, ce jeune de 17 ans, qui connaît bien Johnny, qui a adoré Johnny et qui est très fan de Yarol maintenant. Voilà, et on a eu notre JB Tatou qui nous a parlé de son concert de plus de 4 heures le 2 septembre à Montrichard. Voilà, on sait que les DVD vont arriver pour le sapin de Noël, donc ça c'est formidable. Et puis il a d'autres projets, enfin on va le suivre de près, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, moi je vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain, le 28 septembre, toujours au studio des Moulins. Et puis, eh bien d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas loin de Vierzon, venez nous retrouver. Il y aura de la musique, des stands, il y aura plein de choses, des voitures, enfin bref, que du bonheur pendant deux jours. Et puis sinon, bah, passez un bon week-end. Et puis on se retrouve mercredi prochain. Je vous embrasse, à bientôt. Écoutez votre web radio sur www.johnnysjh.fr et suivez notre actu. Infos, news, player et un max de sons en non-stop. 100% Johnny, la radio qui vous donne l'envie. Venez retrouver Annie sur la route avec toi Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny, la seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie.